prochain. J'suis cool, j'suis pisse, j'suis zen, l'ami sans surprise. J'serre pas la main, y'a pas moyen, je fais la bise. Et pour tout dire, moi je prends des gants. Y'a longtemps que j'ai compris. Oh, main dans les poches, j'évite de bousculer les esprits. J'esquive sur le côté, sinon la vie est moche. Et quand j'y réfléchis, main dans les poches, y'a rien à expliquer. Jamais je ne cours pour être dans les temps. Trop long détour, trop souvent. Je vois bien que c'est là qu'est l'os, et là c'est pourtant. Quoi que je fasse, moi je me lasse de ces tourments. Langique.